avait dit qu'on se faisait baiser, que c'était nous les moutons. Donne le pouvoir à des connards qui peuvent appuyer sur le bouton. Je vous aurais prévu, et ouais, je vous l'aurais dit, des représentants de mes couilles à tous les échelons. Je vous ai pas dit que les dirigeants de ce monde n'avaient rien d'autre à perdre que le pouvoir de manipuler les troupes et de nous foutre dans la merde. Dans la merde, c'est direct où je suis apparu. Je me suis dit qu'il y avait peut-être autre chose à faire que de traîner dans la rue. Dans la rue, y'a des piétons et des voitures. Alors au lieu de me faire chier, je me suis projeté dans le futur. Dans le futur, j'ai trouvé que c'était déplaisant de payer des impôts sur le revenu. Alors je suis retourné dans le présent. Dans le présent, j'ai pensé que c'était abusé de payer des impôts sur le revenu, de la TVA, de la CSG. Je vous ai pas dit qu'on se faisait enculer à mort, que les banques s'enrichissent avec nos dettes et nous foutent dans le décor. Dans le décor, car des fois y'a pas d'autre issue face aux conneries, face aux tissus de mensonges, y'a de quoi être déçu. Je vous ai pas dit que la télé nous abrutissait, que c'était vraiment pas la peine d'aller prier Jésus-Christ. Je vous aurais prévenu, et ouais, je vous l'aurais dit, je vous avais dit qu'on saurait s'il y avait l'enfer et le paradis. Vous ne direz pas que je vous l'ai pas dit, bande d'imbéciles, soyez logique, pensez par vous-même et ne croyez pas à l'impossible. Je vous l'avais dit qu'on se faisait baiser, que c'était nous les moutons. Donne le pouvoir à des connards qui peuvent appuyer sur le bouton. Je vous aurais prévenu, et ouais, je vous l'aurais dit, des représentants de mes couilles à tous les échelons. Je vous ai pas dit que le 11 septembre était un complot, comme toutes les crises économiques et tout ce qu'on organise dans notre dos. Je vous ai pas dit que la dernière en date était la grippe A. Je voudrais bien savoir comment le gouvernement nous l'expliquera. Je vous ai pas dit d'éviter les crédits, enfin chacun sa merde. Mais si tu t'en sors pas, je te l'aurais prédit. L'église fait vœu de chasteté, de pauvreté, je suis écœuré. Le Vatican est riche et y'a des héritiers chez le curé. Je vous ai pas dit que les religions n'étaient ni plus ni moins que des cultes astrologiques et vous croyez en Dieu comme des incultes. Les métaphores sont claires, une bataille éternelle entre le soleil. Le soleil et la lune, entre l'ombre et la lumière. Je vous aurais prévenu, et ouais, je vous l'aurais dit, je vous avais dit qu'on saurait s'il y avait l'enfer et le paradis. Vous ne direz pas que je vous l'ai pas dit, bande d'imbéciles, soyez logique, pensez par vous-même et ne croyez pas à l'impossible. Je vous l'avais dit qu'on se faisait baiser, que c'était nous les moutons. Donne le pouvoir à des connards qui peuvent appuyer sur le bouton. Je vous aurais prévenu, et ouais, je vous l'aurais dit, des représentants de mes couilles à tous les échelons. Je vous aurais prévenu, et ouais, je vous l'aurais dit, je vous avais dit qu'on saurait s'il y avait l'enfer et le paradis. Vous ne direz pas que je vous l'ai pas dit, bande d'imbéciles, soyez logique, pensez par vous-même et ne croyez pas à l'impossible. Je vous l'avais dit qu'on se faisait baiser, que c'était nous les moutons. Donne le pouvoir à des connards qui peuvent appuyer sur le bouton. Je vous aurais prévenu, et ouais, je vous l'aurais dit, des représentants de mes couilles à tous les échelons.